Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Week-end, j'espère que vous allez bien. On a passé un bon week-end, vous aussi. Hein. On est lundi soir, on sort du boulot. Pensez que c'est la Saint-Valentin demain. Si vous écoutez la rediffusion mardi, ben oui, on sera toujours la Saint-Valentin. Hein. C'est pour penser à faire un petit cadeau aux personnes que vous aimez. Et nous, comme on adore l'équipe de Top Chrono, la Dream Team est au grand complet. On va juste voir si Monique, qui va recevoir sûrement un cadeau d'amoureux demain soir, va bien. Salut Fred, salut l'équipe, je vais très bien. Et puis juste à côté, on l'a mené au handball ce week-end et je peux vous assurer qu'il avait la frite. Il n'est pas belge, mais il s'appelle Gilles. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gilles. Et puis on va se retourner vers le Bougon, qui s'appelle Didier Bougon, qui parle beaucoup d'athlétisme. Oui, enchanté, Didier. Tout va bien. J'espère que tout le monde se porte bien ce lundi, début de semaine. Donc... nous sommes tous dans un basket pour attaquer la semaine. Ne pars pas tout de suite pour la Russie, reste avec nous. Tandis que mon acolyte, dont tout le week-end, il passe à Bintou, ce jour, il va prendre sa valise, il va dormir dans la niche du chien. Notre ami Jean-Yves, vous allez voir, il va réagir. Ou dans ton lit. oh non, quand même. Salut Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et puis la plus charmante de toutes hein, parmi nous, c'est Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je crois qu'on est en forme ce soir pour démarrer cette émission. Eh bien, tiens Marie, tu vas t'y coller, c'est le sommaire. Allez. Alors, ce sera du rugby à 15. La SBC était au repos, mais on jouait ce dimanche. Tous les résultats de ces journées de championnat. Boxe, Mehdi Chouchane faisait ses premiers pas dans la boxe point-pied. Bruce Caudron reviendra sur cette réunion de Istres qui s'est déroulée samedi soir. Basketball National 1, le SAP gagne et gagne encore. Vont-ils arrêter? Réponse avec nos spécialistes. Rugby à 13, résultat avec notre acolyte Jean-Yves. Rollerball, une superbe journée se prépare à Bédaride. Elena Ruiz sera avec nous pour en parler. Handball National 3 féminine, Mazan gagne, Mazan joue et rêve de qualification pour jouer en National 2. Retour sur une belle soirée de handball. Football, Monsieur Henry avec toute l'actu du foot. Athlétisme, Bibi Bougon, constant ou pas après les championnats régionaux de cross, on verra. Et enfin, focus, nous aurons le BMX à l'honneur avec Monsieur Laurent Venditelli. Voilà pour un sommaire qui en donne long sur ce qui va se passer ce soir. Top chrono, rugby à 15. Tiens, rugby à 15, juste pour les gens, avant de voir avec Jean-Yves ce qu'il en est un petit peu de tout ce qui s'est passé avec Marie qui viendra nous donner aussi un petit peu les résultats de championnat PACA. Restons en Pro D2. Il y avait un Bédaridé qui jouait parmi les joueurs de Béziers. Il s'est déplacé du côté de Agen. Ils ont gagné 25-23, mais que le petit Damignani a bien joué. Le petit Damignani a fait un gros match apparemment, hein, puisqu'il a été cité. Il a été cité... parmi les satisfactions. Et puis, ce succès, ça permet à Béziers de s'échapper un peu de la zone rouge, puisqu'ils sont maintenant 13e, sachant que Bourgoin est déjà condamné. Il y a encore un club qui devrait descendre. Albi, Vannes, ça va se jouer probablement entre ces deux-là. Encore une victoire de Béziers, ça les mettrait complètement à l'abri. Et un petit clin d'œil à Joris Cazenave, qui joue, lui, du côté de Colomiers, et lui vise le haut du tableau pour, pourquoi pas, jouer en top 14, on y lance un petit bonjour et Joris qui est toujours affûté lui aussi avec Colomiers, Jean-Yves. Ouais, qui joue un petit peu moins d'ailleurs en ce moment. Joris, il est en difficulté. La concurrence est rude. Le groupe de Colomiers tourne plein fer puisqu'ils sont second là, en Pro D2 et ben voilà, le petit Joris joue un petit peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il est en dehors du truc. Ça veut juste dire que la concurrence joue à plein. On n'est plus là dans le monde des copains, on est dans le monde professionnel et du coup, ben voilà, on fait jouer les meilleurs. Alors ce week-end, bien sûr, on va dire en rugby, en fédéral 2, en fédéral 3 et dans la région PACA, c'était séance de rattrapage au niveau des matchs, on va dire en retard. Il y en avait deux qui nous intéressaient au plus haut. Marie, tu peux nous les citer, les matchs de la fédérale 2 pour le 4 où la SBC évolue. Alors, Saint-Jean-de-Royan-Montélimar 35-10, Voiron-Tricastin 26-19. Château-Renard est premier, Bédaride est troisième. Et ensuite, nous avons le dernier, Saint-Raphaël. Alors, on va revenir avec Jean-Yves, bien sûr, sur une analyse un petit peu de cette poule 4 en fédéral 2. L'ASBC, certes, est troisième. Toujours Château-Renard qui caracole en tête et qui va sûrement continuer à caracoler en tête dans cette poule, puisqu'il y a quand même des matchs de retard. Il y en a pratiquement deux pour hier à Carquéran. Ça sera peut-être compliqué pour Château-Renard pour rester leader. On verra la suite s'il en est. Et puis derrière, Jean-Yves, il reste encore des matchs en retard. Et l'ASBC a eu du souci à se faire pour peut-être terminer troisième de cette poule. Ouais, l'ASBC, ça se complique parce que Saint-Jean-Royan qui se met à gagner. Là, ils ont battu Montélimar ce week-end sur le score de 35-10, comme le disait Marie. Saint-Jean-Royan qui revient à 4 points de l'ASBC. C'est un petit peu... voilà, ça va être tendu entre Saint-Jean-Royan et Béda. Sachant toujours... pour la petite histoire, hein, que Saint-Jean-Royan a déjà récupéré 4 points de bonus alors que Béda n'en a que 2. Ces points de bonus-là, ben, là pour le coup, ils vont vraiment compter, j'ai l'impression. Voilà, maintenant Béda doit absolument. Ils ont encore 3 semaines pour se préparer, pour remettre de l'ordre dans la maison. On ne va pas revenir là-dessus, on en a déjà suffisamment parlé. Mais voilà, il y a 3 semaines pour vraiment se remettre dans le sens de la marche, parce que sinon la reprise va être. Compliqué, on va dire. Et avec une petite recrue qui vient de joindre l'ASBC, je ne sais pas si on peut en parler ce soir. Ouais, bah écoute, ça a été annoncé dans la presse, donc j'imagine qu'on peut en parler. Il s'agit du petit Romano, un trésiste qui a de Carpentracien, le fils de Franck Romano. Ouais, Palmarès aussi, une garçon qui peut apporter à cet ensemble de l'ASBC, surtout en percussion au niveau du premier centre pour écoute, les Français. Le petit Romano, c'est un gamin qui a joué à Carpentras très tôt en première et qui est venu après au SOA. Il a d'énormes qualités. C'est un gentil garçon, c'est un mec qui s'est joué au ballon, qui peut apporter un vrai plus et qui peut surtout apporter une solution différente par rapport à ce qu'on connaît déjà. Les dirigeants de la SBC ont cherché un remplaçant à Momo Agog. On n'est pas tout à fait dans le même profil de joueur. On est dans un profil de joueur capable de casser les défenses avec le petit Romano et surtout capable de faire une passe après contact. Et ça, quand même, ce profil-là, on ne l'a pas vraiment à la SBC. Moi, je pense qu'il peut apporter un truc. Le seul bémol, c'est toujours cette histoire de double licence, hein, puisqu'il va jouer à Carpentras et il sera mis à disposition de Bédaride lorsqu'il ne jouera pas à Carpentras ou inversement. Connaissant la famille Romano, je pense que la priorité ira au club de Carpentras. Affaire à suivre, bien, on va parler un petit peu de cette fédérale 3, poule 9. Marie, il y avait des matchs en retard et malheureusement, je suis en train de voir que Beaurepaire, Rhône 15, a encore une fois a été remis. Je crois qu'à un certain moment, ça ne sortira plus dans ces poules. On va y revenir avec Jean-Yves de cette fédérale 3. Tu peux nous annoncer les poules les Angles, me semble, non ? Oui, les Angles. Ouais, tout à fait. Allez, on y va. Alors, Emeu Privat 13-18, Ampuis Berre 12-18. Berre est premier, les Angles est quatrième et Avignon-le-Pontet septième. Toujours avec les fameux points de bonus. Alors, retour un petit peu sur ces deux matchs, et surtout ce match qui a été remis. C'est bien dommage de pouvoir remettre un match quand c'est un match qui doit être joué pour remettre un petit peu le calendrier en ordre. Hein, c'est toujours compliqué. Ben ouais, on va pas encore refaire la litanie là de quand il fait pas beau, maintenant on joue plus au rugby. Quand il y a de la boue, on a peur que les mecs attrapent froid. Quand il y a du vent, on a peur qu'ils s'éventent. Enfin voilà, toujours est-il que du coup c'est un petit peu la pagaille dans ce championnat parce qu'il y a des équipes qui ont joué 13 matchs. Berre-Martigues en plus ont joué 13 matchs. Les Angles n'en a joué que 2. Et Rhône 15, par contre, lui n'en a joué que 11. Ouais. Alors, bon, le classement pour le moment il est ce qu'il est, ça arrange bien les Angles parce que ils ont le même nombre de points que Ampuis le troisième, mais avec un match en retard. Donc on peut imaginer que ça potentiellement on va retrouver les Angles autour de la troisième place. Et puis comme on le dit depuis quelques temps, c'est bien pour les Angles parce que c'est l'année de la remontée. Et s'ils arrivaient à stabiliser même dans les quatre, ça serait un superbe parcours. Et on va parler maintenant, bien sûr, de cette poule 10 où c'est que s'affrontait Palavas face à Lille-sur-Sorgue. Les résultats avec Marie. Eh bien, Palavas-Lille-sur-Sorgue, 10-3, Sifour-Lavalette, 13-34, Aubagne-Vendre-Lespignan, 31-5. Lavalette est premier, Lille-sur-Sorgue est quatrième et Cavaillon sixième. Voilà Jean-Yves, on peut parler un petit peu de cette équipe de Lille-sur-Sorgue, c'est passé du côté de Palavas. On sait que du côté de l'Hérault, c'est toujours compliqué de ramener des points. Ouais, mais ils ont fait le job. Ils ont fait le job en récupérant encore une fois un point de bonus, qui sont allés se peler complètement à la fin, hein, puisque 10-3. J'ai cru lire dans la presse qu'ils étaient allés se peler ce point complètement à la fin au prix d'un effort terrible. Mais bravo à eux, bravo à eux, parce que ça les laisse là aussi, ça les laisse au contact des quatre, voilà, du top 4. Et là, pareil, pour une équipe qui monte, c'est bien. C'est une bonne félicitations chose. À eux. Allez, en honneur régional, il y avait deux matchs qui nous intéressaient aussi. Alors, Saint-Saturnin, Salon de Provence, 28-15. Le Bossey, Monteux, 13-39. Monteux est premier. Valréas, 6e. Saint-Saturnin, 7e. On est très heureux que le SM de Monteux retrouve des couleurs, premier ce soir. Et sans discuter, puisque le calendrier a été mis à jour. Les Montiliens, premier. On espère revoir le président Robin, qui m'a pas donné de réponse. Tiens, ce soir, si vous le voyez, si vous en parlez à l'ESM de Monteux, sachez que Fly FM est toujours au contact de l'ESM de Monteux et on aimerait bien voir le président avec nous. C'est vrai qu'on ira les voir jouer dans 15 jours. Un petit mot pour parler juste de Saint-Sat, qui Saint-Saturnin est en conflit en ce moment avec les instances fédérales. Ils ont été suspendus, leur terrain est suspendu. C'est pour ça qu'ils ont joué leur match contre Salon à la plaine sportive de Sorgue, quasi sur terrain neutre, ça ne les a pas empêchés de s'imposer. Ils ont aussi chamboulé un petit peu leur staff, puisque c'est Dominique Denesi qu'on connaît bien, la Bédaride, qui est venu, qui a pris les commandes de l'équipe. Et puis, ça a l'air de plutôt pas mal se passer, puisque depuis que Domi est arrivé, ça tourne correctement. Voilà, Saint-Sat qui est septième. Ils sont pas très loin, ils sont jamais qu'à 3 points du cinquième. Ça aussi, ça peut... voilà, c'était une année de reconstruction. Cette histoire les a minés, cette histoire de terrain et de conflit les a minés. Le terrain suspendu, c'est jamais de bonne chose pour un club, surtout un club qui est un petit peu en difficulté comme ça. Ouais, mais bon, la seule chose qui est bien ce soir, c'est qu'on peut dire que Saint-Saturnin, s'il continue à rester sur cette dynamique, même à l'extérieur, resteront bien en honneur régional. Ouais, tant mieux, parce que c'est un club qui mérite d'être à ce niveau-là, qui mérite même d'être à l'étage au-dessus d'après moi, mais voilà, troisième fédéral 3, ça serait bien pour Saint-Sat. Alors un match que tu devais nous rapporter, puisque tu as préféré, tout compte fait, tu as peut-être bien fait, de venir voir du handball national 3, c'est en première série, Marie, il y avait un match dont Jean-Yves était... Oui, alors Pernes-Sorgue contre Renouvez, 10-18, donc les premiers c'est Penn Mirabeau, les seconds Sorgue-Renouvez. Nous avons également Pernes qui est sixième et Orange septième. Quelques copains qui jouaient ce match-là avec les couleurs de Pernes et un ou deux avec les couleurs de Sorgue. Apparemment, on n'a pas fait vraiment dans la dentelle, un vrai match à l'ancienne, un petit peu comme on aime. Et les Sorgues qui sont allés s'imposer sur le terrain de Pernes. Sur le score de 10-18, mauvais temps pour les Pernois là sur le coup, puisqu'ils laissent même échapper le point de bonus. Voilà, c'est dommage. Bon, après il n'y a pas photo, puisque de toute façon ça ne changerait pas grand chose, puisque Pernes a 12 points, ils sont 6e, et le 5e est déjà à 33 points. Donc bonsoir, c'est le championnat est terminé. On va juste sauter, on va laisser la deuxième série, la troisième et quatrième série. On va dire, c'est le BABA du rugby. Eh bien, là aussi, il y a eu des scores flatteurs pour le Vaucluse. Saint-Andiol-Tarascon, 16-21. Pernes-Pertuis, 3-32. Saint-Rémy est premier. Pertuis, 7e. Et Pernes, 8e. Alors, Pernes, ça, c'est la réserve de Pernes. Ouais, c'est la réserve, ouais. C'est pour ça que peut-être le score, il est en faveur de Pertuis. Mais Pertuis, qui a toujours été une terre de rugby en série. Marrant, ça. Ouais, ben. Pertuis, il y a un phénomène, c'est les gens qui travaillent sur le chantier de l'EPR et qui travaillent autour. Il y a des grosses à Cadarache, ouais. Et alors à Pertuis, c'est compliqué de construire un truc sur la durée parce que les mecs viennent et repartent, sont mutés et s'en vont et ne restent pas. Mais par contre, ils arrivent toujours à trouver 25 bons mecs pour faire une équipe sympa et pour se régaler. Je crois qu'il y a toujours notre ami Folwom dans les parages aussi. Philippe Folbaum, qui est un grand talonneur qui a fait l'histoire de, du RC Sorgue, ouais, et du Racing Métro, du Racing et du Racing, ouais, absolument. Et ben voilà, je crois que Philippe est toujours dans les parages et voilà, il stabilise un petit peu l'édifice. Ça doit être sympa dans les vestiaires avant et après les matchs. Troisième, quatrième série, c'est, ouais, c'est vrai. Il y a longtemps que je peux aller voir un match comme ça. Ouais, c'est... On ira, Fred, on ira. Ouais, j'aime bien. On ira parce qu'il y a des trucs. C'est, voilà, c'est un autre rugby, c'est le rugby d'en bas. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Exactement. La suite, et on va appeler Bruce Coton. Top chrono, boxe. Allez, boxe, on va parler sûr de Mehdi Chouchane. Yazid. Qui, Yazid, pardon, Yazid, Yazid, Yazid. Oh, j'ai fait une erreur, moi aussi, les deux frères. Je les apprécie tellement que c'est Yazid. Alors, Yazid qui fait du rugby, qui fait de la boxe. Mehdi qui fait du 13, du rugby à 15. Ça fait beaucoup de choses. Et on va voir un petit peu comment, on va dire, cette cape encore nouvelle pour Yazid. Yazid, il faisait du. Précédemment, Yazid. Il faisait du MMA. Du de la cage. De la cage. Il est passé au K1 là. C'était son premier combat. Il gagne. Est-ce que c'est bien surprenant que Yazid Chouchane s'impose dès son premier combat parce que voilà, c'est un mec qui sait tout faire. On le voit sur les terrains de rugby. C'est probablement le plus talentueux des deux frères. À 13, c'est le meilleur des deux. À 15, d'après moi. C'est aussi celui qui a le plus de qualité. Et puis, le type, il sait tout faire, il se régale. Je ne sais pas s'il ne va pas se lancer dans le tennis. On n'aurait pas tardé à le retrouver 15. Non, tu es toujours. C'est vrai que moi, j'adore. Parce qu'au moins, avec Jean-Yves, on arrive à meubler. Et on arrive un petit peu. On ne va pas blâmer, mais on essaie de mettre deux ou trois couches. Mais là, c'est pas, il n'y a pas de couches à mettre. Au contraire, c'est je fais des éloges à Yazid Chouchane parce que ce garçon-là, il est surprenant, tout simplement. Il est surprenant. Il a la caisse, comme on dit. Oh, non seulement il a la caisse, mais en plus, il fait partie de ces gamins qui ont un talent naturel et qui pourraient. Il joue au rugby à 15, il fait des bons matchs. Hein? Il passe à 13, il fait des bons matchs. Là, il faisait du MMA. Il faut y aller quand même dans cette cage. Et ben voilà, il a été champion d'Europe, me semble-t-il. Là, il attaque le K1, il gagne son premier combat. Je te dis, s'il se fout au tennis, dans 15 jours, il est 15. Et ben c'est merveilleux. Peut-être même lui faire faire du BMX. Alors, on devait avoir Bruce Caudron, on espère l'avoir tout à l'heure. Lui, il viendrait nous raconter, nous parler, nous rapporter ce qui s'est passé dans cette réunion qui se déroulait à Istres. C'était le grand retour. Bruce Caudron devait combattre en Kerouane, un round de trois rounds de trois rôles en trois minutes. On le mettait dans le sens que vous voulez. Et c'est très compliqué pour moi, parce que je ne suis pas un amateur de boxe. Je ne suis pas un grand spécialiste. Et lui nous ramenait un petit peu ce qui s'est passé samedi soir du côté de Istres. On espère le voir dans quelques minutes au téléphone. Et il reviendra nous parler de cette belle réunion où il y avait, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, Yazid Chouchane qui faisait ses premières capes en Kerouane. Et plus et dans la cage, puisque là, ça devenait un petit peu plus. Il y avait aussi Eddie Knight, Slimani, qui a gagné sur décision à l'unanimité des arbitres. Heureusement, parce que c'est vrai que cette réunion, cette nuit des champions qui s'est déroulée du côté de Marseille, nous avait fait froid dans le dos quand on avait vu surtout Knight et Slimani être pratiquement KO, quoi, sur blessure, quoi, parce qu'il avait pris un très très mauvais coup, donc il ne s'était pas remis, et qui visait déjà la ceinture mondiale. C'est un arrêt brutal pour lui. Là, cette réunion-là a permis de le remettre en route, et c'est bien. C'est bien qu'il ait pu reprendre un petit peu de confiance lors de cette réunion. Et Bruce, qui devait lui aussi faire son grand retour, malheureusement pour blessure, il a préféré décliner l'invitation des Istréens. C'est bien ça ? Istréens, frère. Non, je ne me suis pas trompé. Bon, ça va, très bien. La pub, et on revient que du basketball. Top chrono, basket. On va revenir avec le basketball, la Nationale 1, le SAP qui gagne encore. Mais quel sorcier ce Sanz qui a mis tout le monde dans le sens de la marche. Eh bien, messieurs, et surtout Jean-Yves, je crois que le handball au masculin en National 1 à Sorgue, c'est la salle de la plaine qui doit tout faire. Qui doit y faire quelque chose. Ouais, ça y fait un petit peu, on l'a vu l'autre soir. Mais ça fait surtout qu'on a viré une pompe à vélo et qu'on a mis un vrai entraîneur. Et ça y fait beaucoup. Ça y fait beaucoup par contre. On a vu que depuis qu'il est arrivé, François Sanz avait remis les joueurs dans le sens de la marche. On va arrêter les trucs avec le sens, mais à un moment, on ne peut pas faire autrement que d'en parler. Mais voilà, tout le monde va dans le droit chemin, les joueurs se régalent. Là, à aucun moment, ils ont été inquiétés. Pas une seule fois dans toute la soirée, ils ont été inquiétés, puisque je crois qu'ils ont encaissé les trois premiers points, et puis après, ça a été la marche en avant. Le truc, eh bien, c'est qu'ils finissent à 90-72 contre Chartres, qui était une équipe qui aurait pu leur poser des problèmes en cas de défaite. C'était quasiment la descente assurée, puisque Chartres avait le même nombre de points. Il jouait la survie. Bon, ben voilà. Ce match-là, le SAP l'a gagné de fort belle manière, plus 18 points. Il y a quelques semaines, je ne suis pas sûr qu'on tiendrait le même discours. Il y a quelques semaines, ce match-là, on l'aurait sûrement perdu, Fred. Et nous en rejoignent, on va lui donner un petit peu la parole, parce que bon, lui, là, il faisait partie un petit peu de l'équipe de Top Chrono il y a quelques temps en arrière. C'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. C'est Laurent Vanditelli, le monsieur BMX du Vaucluse. C'est un petit peu comme ça qu'on le cite à travers ce club de Pernes dont tout à l'heure nous ferons, on va dire, une grande lumière. Comment tu vas, Laurent ? Bonsoir à tous, ça va très bien. Merci de nous accueillir encore une fois, Fly FM. Voilà, le basket, tu suis un petit peu l'actualité sportive. Je t'avouerai que ça travaille énormément en BMX. Je suis un tout petit peu moins l'actualité sportive en ce moment. Ça va être un régal pour le BMX. Juste de loin. Merci. Revenons avec Marie sur les résultats de cette 23e journée de championnat qui s'est déroulée samedi soir. Alors, Grand Avignon Sorgue Chartres 90-72, Centre Fédéral Vitré 59-84, Grèce Oberhofen Rueil 173, Lorient Angers 84-78, Jette Vosges Chaland 56-62, Rennes Souffelway 81-82, Saint-Vallier Caen 75-96, Orchy Andrézieux 86-84, et enfin Quimper Tarbes Lourdes 76-82. Quimper est premier et les Grands Avignon Sorgue se situent 14e sur 18. On va continuer tout doucement avec la Nationale 3. On va parler de cette poule L et ça sera bien sûr la réserve d'Avignon Le Pontet qui a peut-être... Alors, Aix-Maurienne Saint-Vallier 2, 73-51, Saint-Just Pontoise Sorgue Avignon Le Pontet 87-76, Montélimar Saint-Chamond 70-73, Terre Froide Porte d'Isère 97-77, Nord Ardèche Roche-la-Molière 77-84 et enfin Ravoir Châle Tain-Tournon 72-62. Et les Sorgues d'Avignon-le-Pontet sont cinquièmes. Eux aussi, ils ont remonté, j'arrive, dans ce classement de cette Nationale 3. Ouais, juste un dernier mot pour revenir sur Nationale 1, Fred. Pour dire que toutes les équipes, là, de la 17e, on ne parle pas du Centre Fédéral, parce que là, c'est pas très important, mais par exemple, de la 17e place à la 5e place, tout ça se tient en 4 points. La saison va être excellente, on va se régaler. Si tu perds un match, t'es free. Si tu gagnes un match, tu redeviens quasiment qualifiable pour jouer les playoffs. Oui. Ça va être, on va se régaler. Il y a une fin de saison extraordinaire à vivre. Quel dommage qu'on ait si mal commencé, parce que avec le potentiel qu'il y avait, finalement, on devrait être dans les 4-5 premiers, malheureusement. Mais en tout cas, tout n'est pas perdu, puisque le SAP a 33 points. Et je te dis, le Jette Vosges, qui est cinquième, a 37 points. Une victoire, deux victoires et tu es devant. On suivra ça de très près, sachant qu'il y a 36 journées de championnat. Ouais, et on en est qu'à la 23e. Donc ça laisse encore quelques belles soirées. De mémoire, il doit rester 4 ou 5 belles soirées à... Ouais, cette fois-ci, je t'ai remplacé. Pour aller à Sorgue ? Non, pour dire juste que les entraîneurs entraînent, les présidents président et que chacun reste à sa place. Au moins, on ira sûrement à la 5e place. Écoute, ça, c'est toi qui le dis, je te laisse. Mais oui, bien sûr que si ça avait été comme ça depuis le début de la saison, on n'en serait pas là, bien sûr. Allez, on va continuer avec nos filles de la Barbière qui jouaient en pré-nationale féminine en Ligue de Provence avec Marie. Alors, Sainte-Marguerite, Tarascon, 54-40. SMUC, USPEG, Marseille, 55-41. Golgoth, Martigues, 52-44. Laragne, Gap, Simiane, Bouc-Bel-Air, 54-49. Venelle, Vitrolles, 68-49. Et Grance, Avignon, Barbière, 53-59. Avignon, Barbière est premier. Ouais, ces filles de la Barbière qui brillent, qui ne cessent de briller dans cette pré-nationale féminine et on espère les voir monter à l'étage supérieur, elles le méritent. Top chrono, rugby à 13. Alors là, c'est Jean-Yves. Pour le rugby à 13, il y avait des résultats et on te laisse nous les commenter, Jean-Yves. Ah ouais, en rugby à 13, alors il y avait journée d'élite 1, journée d'élite 2, il y avait la première journée de la Super League aussi. On va juste sur l'élite 1 signaler la défaite du SOA à Avignon sur le terrain d'Albi, 14-9, après avoir mené quasiment pendant tout le match. Ça va laisser beaucoup de regrets. Ouais, c'est beaucoup de tristesse là, parce que c'est vrai que cette équipe d'Albi est largement à la portée, même sur son terrain. Ah non, mais elle était largement à la portée, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand tu parles avec les gars qui y étaient, ils ne comprennent pas. Le SOA a très rapidement mené 9-0. Et puis après, ben voilà, ça s'est effrité, il y a un truc qui s'est déréglé, va comprendre. Toujours est-il que les Albigeois ont arraché un succès intéressant pour eux, en tout cas. Face à Avignon, les Toulouse Broncos a chargé, mais alors en version grand modèle, puisqu'ils ont perdu sur leur terrain 4-82 face à Lézignan. Bon, Lézignan qui est premier du classement, mais ça explique pas tout, hein. Toulouse Broncos, c'est une équipe ouais, fabriquée de briques et de broc là. Bref, c'est dommage pour la compétitivité dans cette poule d'avoir pas un boulet, mais quelqu'un qui ne joue plus du tout le jeu, puisque Tu me disais tout à l'heure, la Ligue One. Ouais, la force de te connaître, je commence un petit peu à avoir des mots techniques qui vont vous surprendre à l'intérieur. Les Toulouse Broncos, c'est la réserve de Toulouse qui évolue en Ligue One cette année. Donc voilà, il n'y a pas. Ça y est, le championnat de Super League et de Ligue One a rattaqué. Et bien maintenant, toutes les forces vives de Toulouse sont dirigées vers le Théo, et puis ben voilà, il reste des miettes. Alors on va prendre 80 points à la maison contre les Ignants. Le seul problème, c'est que de temps en temps dans la saison, ils ont accroché une paire d'équipes quand même et ça fausse le championnat. Bon voilà, c'est un peu ridicule quand on voit que par exemple les Catalans, eux, qui ont aussi une équipe en Super League, mais par contre qui ont pris la peine de se structurer, qui ont pris la peine de structurer une réserve, sont allés s'imposer dans le derby. Alors là, par contre, ça devait ronfler, parce que ouais, Palau del Vidre, 13 Catalans, Saint-Estève, 17 km de... Ouais, 17 km, et ben, la réserve des Dragons qui va s'imposer 8-24 là-bas. Carcassonne, Saint-Gaudens, les Carcassonnais s'imposent sur le score de 38-26. Et Villeneuve, Limoux, les Blanquetiers de Limoux vont s'imposer sur le terrain de Villeneuve-sur-Lot sur le score de 28-10. Jean, ils vont faire une petite coupure, oui, on reviendra sur le rugby à 13. Pour l'instant, top chrono, boxe. Et boxe, eh bien on a notre non-nuple champion du monde au téléphone. C'est Bruce Caudron. Comment tu vas, Bruce? Très bien, merci à vous. Salut Bruce. Alors Bruce, tu vas nous raconter, parce que tu as été un petit peu le reporter de ce qui s'est passé à Istres. Dis-nous un petit peu quelle soirée, quelle ambiance, et surtout qu'ont fait les boxeurs Mazané et Vauclusier. Déjà c'était la Star Night à Vitrolles, une belle petite soirée qui s'est bien déroulée avec pas mal de combats. Donc le combat, il y avait combat phare, c'était un tournoi et un championnat d'Europe du local Yas Boussa qui combattait, un champion d'Europe de Muay Thai, et tout le reste des combats étaient en K1. Donc pour le combat de Muay Thai, Yazid Boussa a remporté le titre, donc il est devenu le champion d'Europe. Ensuite, il y avait un tournoi qui était remporté par Tristan Bénard, un tournoi à 4 dans la catégorie des moins de 60 kilos, où il y a eu une finale face à Bobot, que vous avez pu voir régulièrement à Mazan. Un boxeur très généreux qui a fait une belle finale. Après, pour les Mazanais, bien évidemment, en vedette, il y avait Eddie Naïsimani qui boxait face à Modibo Diarra, qui était Modibo qu'on connaît, parce que je l'ai rencontré il y a quelques années de cela, qui est champion du monde de boxe française, boxeur très technique, avec beaucoup de qualité. Et Eddie a battu comme il faut ce boxeur-là. Ensuite, il y avait Thibauré aussi qui a boxé, qui est de Pernod-les-Fontaines, qui boxe une Pernod. Malheureusement, il s'est incliné sur le fil, un combat assez serré. J'ai pas pu voir tout le match, nous on boxait juste après. Un combat assez serré face à Julien Soube. Et il y avait aussi Yazid Touchan qui a boxé, son premier combat en K1 et qui a remporté son combat. Un match assez serré, mais voilà, qui fait bon augure pour la suite pour lui et qui va y apporter un peu d'espérance. Qu'il a vu des petits détails qui n'allaient pas et des choses qui sont pas mal avec les qualités qu'il a. Et ton grand retour pour toi, parce que merci pour ça. Alors là, on a rien rajouté. C'était vraiment complet. La seule chose qu'on entendra, bien sûr, c'est qu'on entendait, bien sûr, ce fameux Yaziz Chouchan qui faisait une autre boxe. Hein. On appelle ça la cage, je me trompe pas. Oui, bon, lui, bah, en France, le problème, c'est que c'est interdit, le MMA ou le free fight, qu'on appelle. La Chinoise, en fait, c'est plutôt Pancras, voilà. Donc en France, ils font du Pancras, à part s'il a été à l'étranger, mais je ne pense pas, voilà, pour combattre. Et donc lui, c'est son premier combat debout, il a fait une belle petite prestation, on sent et on voit qu'il a des qualités qu'on voit qu'il joue au rugby, assez explosif. Voilà, c'est ces qualités-là après. Bon, après, le petit défaut, et bon, c'est le petit défaut parce qu'il a fait un petit combat pro pour la suite, c'est qu'il travaille sur 2-3 coups assez explosifs et pas assez sur les enchaînements. Voilà, il a été compté dans le troisième round sur un high kick, un coup de pied qui est monté à la face, parce qu'il avait les mains un peu basses. Ça, c'est dû à son spécifique de pouvoir rattraper pour tout ce qui est pancras. Mais ces petites erreurs d'apprentissage, bon, qui peuvent coûter cher. Ouais, mais c'est le truc qu'il faut qu'il travaille, qu'il fignole pour continuer à progresser. Bruce, Jean-Yves, ouais. Bonsoir. Il a un réel potentiel, Yazid, à plus haut niveau dans le K1. Déjà chez les pros, de battre les on va dire les niveaux nationaux. Voilà, il peut avoir un potentiel. Bon, après, il faut qu'il travaille. Après, c'est le spécifique. Parce qu'il y a certains facteurs qui comptent. On dit ouais, le potentiel. Potentiel pour faire la carrière, déjà son âge. Et son expérience, le nombre de combats. Donc là déjà, aïe, il est un peu en retard pour aller sur le très haut niveau. Après, il y en a qui ont réussi sur le tard comme ça. Mais ils ne durent ils font pas des carrières. Voilà. Est-ce qu'il va être obligé pour ce... Ouais. Vas-y. Après, s'il veut durer, ben, il faut, je pense que c'est un peu la question, il faut travailler un peu plus spécifique. Donc il faut qu'il fasse un choix. S'il veut durer à tout faire, après le problème, c'est que ben, l'erreur comme le coup de pied qu'il a pris, c'est parce que la personne en face a travaillé sur un enchaînement, donc il n'a pas vu le coup de pied arriver. Parce que souvent, son adversaire, comme Yazid, il travaille en mouvement, il restait à sa distance, à lui, et il explosait sur 2-3 coups, son adversaire, il essaie de le toucher, comme il est même pas, sur un coup en lignote. Il a un bon coup d'œil, donc grâce à ça, il ne prenait pas ses coups. La seule fois où il a été touché, c'est qu'un autre est rentré sur un enchaînement pied-point, et malheureusement, il n'a pas dû voir le high kick arriver, ça l'a touché. Bon, il s'est relevé, il a récupéré, assez lucide, il a géré un petit peu, hop, avant de se remettre en route pour remettre du rythme. Mais bon, ces petits erreurs qui arrivent dans une carrière. Il va être obligé de faire un choix dans tous les. Il va être obligé de faire un choix dans tous les cas s'il veut persévérer dans la boxe ou dans le sport de combat en général. Il va être obligé de faire un choix entre le rugby et le sport de combat, d'après toi? Non, parce que tant qu'il ne vise pas le top niveau, le très haut niveau, vous savez, si va dans le free fight, le boxe international, où il aurait un contrat en l'UFC. À la limite, qu'il fasse un choix, c'est clair, net, précis. Ensuite, si c'est pour faire des combats, il a son âge et pro, on va parler clair. Là, il va boxer pour pas grand-chose, pas des tonnes, parce qu'il n'a pas de titre, il n'a pas un palmarès, il n'a pas un nom. Et c'est un peu compliqué. Donc, il va quitter le rugby, et le rugby, il peut prendre peut-être quelque chose en plus de se faire plaisir. Je pense qu'il va continuer à faire les deux. À ce niveau-là, je suppose. Après, il peut poser la question à lui, voir un peu avec lui. Après, s'il continue un peu K1, il va être plus précis debout. Donc, ça sera comme on en parle dans les sports de combat, style MMA, en grâce. ben, il sera plus un striker, un combattant debout, meilleur debout qu'au sol. Mmh. Après, au moins, ça permet d'équilibrer. Peut-être qu'il voit ça bien pour la suite. C'est un plaisir qu'il prend comme ça aussi, en plus de, du rugby. Après, celui de tout faire, ça va être compliqué parce qu'il ne faut pas se, se blesser et physiquement être en forme pour, ben, pour les matchs de rugby, être prêt parce qu'il faut être au poids pour le combat. En MMA, on peut avoir des rebonds de poids plus importants qu'au K1 parce qu'on boxe debout, le poids est important. Il est important en MMA comme il est important en rugby. En K1, il faut être plus exclusif, donc il ne faut pas avoir du poids en trop et être lourd pour rien. Merci pour ta belle analyse, Bruce. On passe à toi aussi. Comment tu vas? Et parce que tu devais faire ton grand retour dans cette réunion. Et malheureusement, physique. Mon adversaire, ben, bon, il a eu un adversaire qu'on connaissait moins, pas évident à trouver un adversaire pour me remplacer. Donc mon adversaire qui était, qui aurait dû être Charles François, a gagné par KO au premier round sur un coup de genou. Bon, c'est qu'il y a une différence de puissance entre lui et l'adversaire qu'il avait en face. Pour moi, ben, là j'ai des examens mercredi matin pour savoir exactement ce que j'ai, le temps de repos qui sera nécessaire pour soigner, parce que j'ai déjà plusieurs semaines que j'ai mal au niveau des adducteurs. J'espère que c'est pas une pubalgie, après voir exactement ce que j'ai, pour savoir mon délai de guérison, pour venir au plus vite retrouver les rings et le public qui me manque un petit peu. Ouais, bon, et nous, tu nous manques aussi un petit peu, parce que c'est vrai que souvent tu es la tête d'affiche, il faut dire ce qui est, quoi, hein. Faut pas se le cacher. Oui, hein. Voilà, Bruce, merci. Merci Bruce. Merci à vous. Bon, et à bientôt. À très bientôt. Bye Bruce. Bye bye. Voilà, on va revenir au rugby à 13. On était quand même, on s'est régalé parce qu'il fallait bien qu'on prenne un petit peu l'analyse de Bruce qui était à cette réunion à Istres et surtout les premiers pas dans la boxe pour Yazid Chouchane. Ouais, revenons au rugby à 13. La passerelle est relativement aisée du coup avec Top chrono, rugby à 13. J'aime bien le petit jingle. Excuse-moi Fred. Ouais, la passerelle du coup avec Yazid entre la boxe et le rugby à 13, ben, est toute trouvée. Mais on en était au résultat. Le classement de cette élite E1, ben, c'est premier Lézignan, deuxième Limoux, 3 Carca, 4 le 13 Catalan, et puis cinquième le SOA qui est en embuscade avec un match d'avance sur le 13 Catalan et 2 points de retard. Ça va être, je pense que ça va être compliqué pour entrer dans les 4. On peut encore espérer qu'ils le fassent. Il y a un avantage pour les Avignonnais, c'est qu'ils sont éliminés de la coupe, donc ils n'ont plus que le championnat sur lequel se focaliser. L'inconvénient, c'est que les Catalans, eh ben, ils ont des passerelles et des mecs qui jouent pas en avec les Dragons le week-end, comme là, ce week-end, ils avaient Luc Burgess, un mec qui a joué en NRL, l'aîné des frères Burgess, un 5 ou 6, là, c'est... Donc là, il a joué avec la réserve contre Palo. Voilà, ça va être un petit peu compliqué, je pense, pour nos amis avignonnais. Et les deux. Alors il y avait aussi des matchs et Carpentras qui se place au côté. Ah ben écoute, Carpentras, on l'a dit il y a 15 jours, hein, oui non. Ils ont battu Villefranche d'Aveyron à l'extérieur. Ils ont perdu à la maison la semaine dernière contre Ferrals. Ferrals qui a d'ailleurs perdu ce week-end. Et puis là, ils vont à nouveau faire un coup. Carpentras, ils vont à nouveau faire un coup à Lyon-Villeurbanne. Alors bon, c'est Lyon-Villeurbanne, hein, mais. Mais en tout cas, ils sont quand même allés gagner là-bas. C'est une équipe bizarroïde, Carpentras, mais toujours est-il que là, pour le moment, leur saison est plutôt sympa. Entraigues, là, par contre, eux se déplaçaient à Villefranche d'Aveyron, qui avait chargé contre Carpentras et qui avait aussi morflé. Alors, juste pourquoi je suis très mal poli, je te coupe maintenant, parce que je suis en train de m'apercevoir, tout en faisant un petit peu le récapitulatif de tous ces résultats, que tout compte fait, Carpentras et Entraigues sont à 5 victoires chacun. Et quelque part, c'est encore des points malus bonus. Non, c'est je sais pas comment ça fonctionne c'est, dans la 13. C'est pas des points bonus malus. Regarde le nombre de matchs joués. Carpentras a joué 11 matchs. Entraigues n'en a joué que 9. Oui, c'est vrai, oui, voilà. Exactement. Je pense que la personne qui a fait le championnat, qui a tracé le calendrier, avait dû se droguer, fumer. Enfin, il y a un truc qui va pas. Mais c'est ça qui... Mais voilà, on se retrouve là avec Entraigues qui n'a joué que 9 matchs et Carpentras qui en a déjà joué 11. Donc, Donc 16 points pour Carpentras et 20 points pour Carpentras et 16 pour André. Top chrono, rugby à 13. Allez, on revient avec le rugby à 13, juste pour parler d'une Vauclusienne. Un dernier mot sur le rugby à 13 avec la Super League, puisque les Dragons catalans ont joué leur premier match de Super League ce week-end. Ils ont battu Warrington sur le score de 20 à 12, avec dans l'équipe 4 Vauclusiens, Foyaya, Vincent Duport, Benjamin Garcia, il m'en manque un, ben, ça devait être Tony Gigot. Tony Gigot qui est injustement sanctionné, privé de compétition pour un contrôle antidopage qui s'est avéré négatif, mais qui est sanctionné parce qu'il aurait mal parlé aux contrôleurs. C'est un truc, c'est une histoire comme seuls les trésistes peuvent en générer. Alors, par contre, la sentence est lourde. La sentence, pour le moment, c'est 2 ans. 2 ans de suspension. Tony a fait appel avec ses avocats. Il n'est pas le seul dans ce cas-là, puisqu'il y a un autre joueur, il y a Seb Martins qui joue à Limoux, avec qui j'ai discuté, Seb. Lui aussi, il ne comprend pas. Les mecs sont négatifs, mais quand même, ils sont suspendus pour délit de sale gueule, délit de faciès. On connaît Tony, hein. Tony a dû voir arriver les contrôleurs en leur disant « Ouais, vous voulez pas aussi me prendre tout mon sang ?» Enfin, il a dû leur dire une connerie qui leur a pas plu. Il est négatif. Il a publié, Tony Gigot, sur son Facebook, les résultats des analyses. Il est négatif de partout, mais il est suspendu, il prend 2 ans. C'est scandaleux. On espère, oui, rapidement le retrouver sur un terrain. On espère que Marc Palanque, le président de la Fédération française de rugby à 13, prendra un petit peu cette affaire au sérieux. Marc avait annoncé une opération même propre dans le milieu du rugby à 13, notamment sur les joueurs qui étaient dopés et chargés. En l'occurrence, il soutient les joueurs qui sont suspendus parce qu'il s'avère que ces joueurs-là, pour le moment, sont propres. Ils ont des contrôles négatifs, donc la Fédé les soutient et espérons qu'ils vont continuer à les soutenir. Eh bien, nous aussi, on l'espère. Allez, on va passer maintenant au roller. Ouais, c'est le roller derby, on va y passer. Et on a la charmante, parce qu'on ne va pas se le cacher ce soir, c'est Elena Ruiz, elle qui a mis un petit peu en ébullition ce sport nouveau, hein, où c'est qu'on tourne autour d'un anneau avec des rollers. Il y a toute une règle où c'est qu'on essaie de se bousculer, de ne pas laisser passer la jumpeuse, si je ne me trompe. Bonsoir Elena, je commence à prendre des termes qui sont... Allô ? Ça va et toi ? Ouais, tu vas bien ? Ça va ? Alors, on t'entend, tu es loin, on va essayer d'améliorer ce son qui n'est pas terrible, messieurs les techniciens. Est-ce qu'on a quelque chose en retour ? Non, on me dit. Est-ce que c'est mieux là ? C'est peut-être c'est mieux. Oui, là c'est beaucoup mieux. Ah, oui. Super, bon. Impeccable. Bon, alors Elena, il parle-nous un petit peu, parce qu'on a toujours vu au féminin, c'est très agréable, c'est vrai, de venir voir ces rencontres de roller derby qui se déroulent à Bédaride, mais cette fois-ci, on passe au masculin, et il me semble que ça va être un petit peu plus, on va dire, physique dans les chocs et surtout les blocages. Ah bah après, c'est vrai que les filles sont déjà bien, bien physiques sur ce sport-là, qui est un sport de contact, hein, sur patin à roulettes. Donc là, on va avoir l'honneur pour la première fois de recevoir les qualifications du tournoi masculin de la zone sud du Roller Derby France. Donc ça va être un gros, gros week-end qui va se dérouler ce week-end, hein, le 18 et le 19 février. Et on va avoir Lyon, Grenoble, Mâcon, Orsay, Strasbourg qui vont venir s'affronter ce week-end sur le track qu'on utilise d'habitude, nous les filles. Donc ça va être bien sympathique en effet. Ouais, non, il n'y a pas, alors excuse-nous, parce que bon, prenez ça pas, qu'on appelle ça au deuxième degré, pour toutes les personnes qui écoutent, il n'y a pas de général comme au rugby, on ne s'envoie pas des tartes, si, ça part des fois, non? Non, c'est quand même relativement fair play comme sport, donc si on peut être efficace dans les chocs tout en respectant les règles sans pour autant se bastonner la gueule. Alors raconte-nous, parce que quand même c'est une belle, là c'est quand même un beau week-end qui mérite le déplacement, hein, du côté du gymnase de Bédaride. Il va falloir encore que tu te coupes pas en 3, 4, en 5, peut-être en 10, c'est possible. Peut-être en 10, ouais, je pense que c'est peut-être en 10 sur un week-end comme ça, à mon avis c'est plutôt ça, ouais. Alors raconte-nous comment ça va se dérouler, si tu as un petit peu le programme pour nous donner envie d'aller voir du roller derby. Alors sur le programme, donc c'est samedi et dimanche toute la journée, donc il va y avoir 7 matchs sur le week-end, donc 6 équipes qui vont s'affronter. Donc le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée à partir de 10h. Et bah, du coup, comme on a des gens qui viennent un petit peu de partout en France pour ce championnat, on a préparé une petite soirée rock à la salle polyvalente, où on va avoir une petite buvette, un concert rock avec le groupe Limitless, un food truck au Ch'ti Creux qui nous accompagnera pour le bon déroulé de cette soirée. Donc un week-end bien chargé en émotions, en sport, en bière bien sûr, et puis en beaux souvenirs, je pense. Alors, l'ouverture du gymnase au public? L'ouverture du gymnase au public, donc le samedi à partir de 10h et le dimanche à partir de 9h. Eh bien, c'est bien. Dis-moi, comment va un petit peu ce club? Parce qu'aujourd'hui, quand on entend parler brassage sud-est et tout, on voit que, on va dire que ça devient de plus en plus structuré, ce roller derby. Hein. Mais écoute, ça se développe plutôt bien. Il y a de plus en plus de clubs qui se créent aussi. On a même des grosses équipes qui avaient qu'un seul groupe qui se sont mis à faire l'équipe A et l'équipe B, hein, puisqu'ils ont des niveaux différents, beaucoup de monde. Donc ça se développe pas mal. C'est vrai qu'avec la FFRS, la Fédération Française de Roller Skating, qui nous accompagne, ça nous aide à nous structurer et à s'organiser. Et puis nous, de notre côté, on développe beaucoup l'axe jeune, hein, puisqu'on a ouvert cette année un axe Kid, qu'on appelle Kid pour la découverte du patinage de 6 à 10 ans. Donc on fait vraiment une petite école de patinage. Et puis j'ai entamé la deuxième année avec les ados. Et ça se passe très très bien, hein, puisqu'on avait 8 ados l'année dernière et j'ai un groupe de 24 cette année. Donc c'est prospère. Donc c'est super intéressant. Et on se rend compte qu'il y a d'autres clubs qui passent comme nous pour pouvoir un petit peu faire s'affronter les jeunes. Alors on arrive à l'avenir de demain. Oui, Elena, dernier mot pour pouvoir se connecter. C'est sur Internet, c'est sur Facebook, c'est sur Skype, je ne sais pas, dis-nous c'est un petit peu où on peut retrouver. Sur Facebook essentiellement, donc Roller Derby 84-Blood, on retrouve toutes les informations. On est en train de diffuser le plus d'affiches possible un petit peu autour du gymnase, un petit peu dans la ville de Bédaride et autour des commerces de chaque adhérent, hein, autour de leur lieu d'habitation. Et puis ce sera bien sûr sur les panneaux lumineux du village pour les passants en voiture. Voilà, j'espère voilà. Que tu auras du temps de libre à accorder à la presse locale qui viendra sûrement te voir. Eh bien écoute, je serai dispo puisque pour une fois je ne joue pas, hein, on est juste hôte et on reçoit ces messieurs ce week-end. Donc je serai dispo, même si coupé en 10 à être partout, mais je me rendrai disponible pour Fly FM comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Merci Elena, merci pour avoir pris quelques minutes pour nous faire vibrer et nous donner envie d'aller du côté du gymnase de Bédaride, puisqu'il y aura quand même des fléchages pour pouvoir se situer, pour se rendre dans cette salle, j'imagine. Oui, bah après rien de particulier, comme d'habitude, le gymnase, il n'y en a pas 36 dans Bédaride, donc normalement on nous trouve, et puis le parking sera tellement blindé qu'il y aura du bruit même de l'extérieur, parce qu'on aura un speaker avec du son, du micro, donc normalement on ne devrait pas nous louper. Merci beaucoup. À très bientôt. De rien, Fred. À bientôt. Merci, bonne soirée. Voilà, c'était notre ouverture sur le roller derby. Jean-Yves, toi aussi, tu vas finir par t'y mettre. Au roller derby? Écoute. Bon, allez, on va pas recommencer. J'y vais si tu viens, d'accord? On y va tous les deux et on se régale. Top chrono, handball. Allez, on va essayer de mettre un petit peu l'accélérateur. On parle un petit peu du handball au féminin, National 3. Nous étions en Mazan dans ce COSEC de Mazan samedi soir et on a eu une belle victoire. On a vu surtout un ensemble qui maintenant est huilé avec des joueuses qui sont merveilleuses, un entraîneur qui fait ce qu'il faut et un staff qui est maintenant à la hauteur de passer à l'étage supérieur, parce que les filles nous l'ont avoué, on va l'écouter dans quelques minutes, mais revenons à cette belle soirée, une équipe de Grasse, de Cagnes-sur-Mer, qui venait pour essayer de chipper quelques points pour pouvoir se maintenir au milieu de ce classement, mais malheureusement ils ont tombé sur une équipe redoutable qui est celle de Mazan à domicile, qui ne laisse rien passer, Jean-Yves. Ouais, ces pauvres filles de Cagnes-sur-Mer, elles n'ont pas existé en fait, elles ont été prises d'entrée, quasiment d'entrée à la gorge par les Mazanaises, et puis très rapidement plus 3, plus 4, elles ont essayé de changer un petit peu leur système en cours de match, ça n'a pas suffi. C'est vraiment ce groupe de Mazan là, c'est juste un groupe merveilleux. On voit des filles qui sont contentes d'être ensemble, qui se régalent à jouer au ballon, un entraîneur qui a même plus quasiment son mot à dire, tant le groupe fonctionne correctement Et puis voilà, et puis on voit des nanas qui prennent leurs responsabilités à 17 ans, c'est impressionnant. On voit. Voilà, on s'est régalé, vraiment alors, on s'est régalé. Cindy Fourreau, hein, qui est. C'est comme ça que c'est son nom. Ouais, Cindy Fourreau. Qui arrive de la Nationale 1, qui arrive de Toulon, vraiment, on sent quand même qu'elle a déjà pris un petit peu l'étage supérieur au niveau de son incursion et de sa frappe. Cindy Fourreau, le truc, c'est qu'elle était partie en début de saison pour essayer de briller à l'étage supérieur en Nationale 1. Pour diverses raisons, elle a fait le choix de revenir à Mazan et bien lui en a pris parce qu'elle est monstrueuse dans le jeu. Elle est, et puis elle a apporté des solutions à ses coéquipières. Tant que les autres qui la connaissent par cœur essaient de la prendre au marquage individuel, ça libère des espaces de partout pour les autres filles. Et quand on essaie de la prendre en marquage collectif, et ben voilà, après on voit des Julie Ricard qui se régale, qui marque peut-être là, je ne sais pas si elle n'est pas à 10 buts l'autre soir, Julie. Ouais, voilà, on s'est régalé. On va voir avec Marie cette poule 8 de National 3 féminine. On jouait la 11e journée, les résultats de la soirée. Alors, Lacro-Bouillargues, 33-30, Mazan-Cagne, 40-27, Étoile Beauvais-Marseille-Nord, 28-26, Bourg-de-Péage-Grasse, 34-20, Hyères-Clermont, 25-23, Bourg-de-Péage est premier, Mazan second, Étoile Beauvais troisième. Allez, je vous propose d'écouter, mais bien sûr, Cindy Fourreau. C'est un petit peu Jean-Yves, c'est un petit peu moi, parce que c'est son première interview. Une fille très simple et même un petit peu timide sur le en retrait, même, on dira. Bizarrement, quand on l'a vu évoluer pendant une heure sur le parquet et qu'après on a discuté avec elle, on n'avait plus du tout la même fille, quoi. Une demoiselle qui dépassait 1m80, je peux vous assurer qu'elle impose un plus. Ouais. Avec Cynthia Fourreau, une des joueuses de cette équipe de Mazan. Cynthia, tes impressions après ce match? On a bien joué, on a su bien défendre, on a été ensemble et puis on a toutes pu s'exprimer, donc je pense que c'est cool. Ça se dit. Donc voilà, on a toutes pu montrer ce qu'on savait faire solidairement et puis chacun a apporté ce qu'elle devait apporter à l'équipe. Donc on peut dire qu'on a bien joué en équipe, quoi. On a senti que vous étiez bien ce soir, que vous aviez l'impression qu'il ne pouvait rien vous arriver. Ben, c'est le fait de revenir à Mazan. J'étais partie, donc je suis revenue et ça m'a fait plaisir de jouer à la maison parce que j'ai retrouvé mes marques, les entraîneurs, mon public et mes joueuses, quoi. Donc ça m'a fait plaisir. J'ai envie de montrer à tout le monde que j'étais revenue, quoi. Merci Cynthia. Cynthia, on revient avec toi parce qu'il y a une question quand même. Tu as joué à N1, tu étais parti pour un énorme projet sportif pour toi, pour ta carrière. Aujourd'hui à Mazan, c'est quoi? C'est revenir dans son cocon, c'est retrouver ses copines, c'est... Oui, voilà, c'est revenir, être sûr, voilà, de savoir que tu peux apporter à l'équipe et de montrer ce que tu peux sais faire, en fait, d'avoir sa chance, en fait. Donc peut-être que j'ai dit au revoir au haut niveau, mais peut-être que je trouverai une autre façon de revenir au niveau et ce sera ma façon et à mon poste et je serai heureuse à ce moment-là. Ce soir, tu nous as prouvé tout ton talent. Est-ce qu'il y a eu cette sensation de revenir en se disant, est-ce que les filles vont être derrière moi? Est-ce que je vais retrouver mon potentiel offensif quand on te connaît? Mais il n'y a pas eu de pression parce que les filles, elles ont su m'accueillir. Donc elles m'ont dit que je leur avais manqué tout. Et j'étais contente de revenir parce que c'était comme si je revenais à la maison. Donc non, il n'y a pas eu de pression. Voilà, on va écouter maintenant la famille Bernard parce que bon, il y a les deux frères, il y a... Capucine et... Deux sœurs même, non? Ouais, deux sœurs. C'est Auria, je crois. Auria, qui a été exceptionnelle. Hein. Pour je crois moi... qu'elle a du talent mieux que Capucine. Eh bien, écoute, pour moi, c'est la découverte de la soirée, parce que c'est une gamine qui a 17 ans, qui avait été punie la semaine d'avant par l'entraîneur qui ne l'avait pas amenée en Corse, en lui disant non, mais tu t'investis pas assez, tu fais pas le job. Elle revient cette semaine dans le groupe, et ben voilà, elle leur a expliqué. Alors Capucine aussi, impressionnant, 1m77, je vous assure, à côté, on n'était pas des pins, mais ça faisait drôle. Allez, c'est avec Capucine et Bernard, la famille Bernard, alors toi tu es la grande sœur, la petite sœur, comment ça s'est passé ce soir? Ah ben très bien, on s'est bien amusé, c'était un match, on savait qu'il allait être difficile au début, et puis on s'est bien débrouillé tout ensemble, et on a gagné ensemble le match. Hein. Ouais, 40 points quand même. Ah ouais, bah, là ça fait du bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis autant de buts. Je crois qu'on n'avait pas mis autant depuis le début, donc c'est bien pour un dernier match là avant la coupure, c'est bien. Quand on parle avec toi, parce qu'il y a plusieurs années que tu joues en équipe 1 à Mazan, c'est quoi cette année? Parce que il me semble que rien ne peut vous arriver, quoi. C'est l'année de la montée, on y croit, on va essayer de tout faire pour rester au moins deuxième et d'aller faire ces barrages là pour monter en N2, on y croit, on va tout faire pour. Hein. Ouais, et ta petite sœur qui évolue, il me semble que, excuse-moi de te le dire, mais elle a l'air se livrer à fond dans cette équipe. Eh bien, on l'attendait et là, ça y est, elle a fait ce qu'il fallait ce soir, c'était super. Elle a marqué beaucoup de buts. Hein. Ouais. On attendait qu'elle aille tirer à 9, là, ça, elle l'a fait, c'est bien. Tu fais partie des cadres dans cette équipe. Hein. Ouais. Est-ce que tu les encourages, tu leur dis à toutes ces jeunes joueuses, commentateurs aussi, quand elles le font un bon match, est-ce que tu es là pour un petit peu réconforter tout le monde? Ah ben oui, hein, forcément, sinon après on baisse les bras et là il faut pas. Donc on s'encourage toutes et c'est bien parce qu'il n'y a pas d'embrouille, on est tout à fond, donc c'est bien. Tu aimerais vivre une qualification? Ah ouais, bah ouais. Parce qu'on a vécu plusieurs fois la montée en N3, plusieurs fois la descente, et là franchement une montée en N2, ce serait vraiment le rêve et on va tout faire pour. Ah, je crois que le dernier mot, c'est Capucine Bernard qui l'a annoncé. Et elles feront tout pour être en National 2. On les suivra, ce sera le 17 juin. Ça se joue sur un match, sur terrain neutre. Celui qui gagne, il passe en National 2. Je peux vous assurer que Mazan sera vide ce soir-là. Ce jour-là. Je pensais que c'était à base de Laurent. Non, j'en pense que je souhaite bon courage à Mazan. tout simplement, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Allez, on va passer à la page au football, ça va être très clair. Top chrono, football. Voilà, parce que c'est Monsieur Henry a décidé ce soir de ne pas venir. Donc il plaisante, il doit sûrement être sur le chemin pour venir nous rejoindre. Mais on espère qu'il prenne son temps, parce que les résultats du football en CFA, juste pour parler du poté, 0-0 face à 7, certes un bon résultat, mais qui... ne satisfait pas les dirigeants du poté, puisqu'ils sont 14e avec 19 points. On retrouve Rodez, leader dans cette poule. On s'éloigne un petit peu en Ligue Méditerranée, il n'y avait que deux matchs. Perne ne jouait pas, et bien on va zapper pour se retrouver en division d'honneur régionale. Et c'était Val-d'Urance qui recevait Istres, un derby pour le département du 13. 0-0. L'ACR Lavignon est toujours leader avec 7 points d'avance sur le Dauphin, qui est Istres, qui a fait 0-0 à l'extérieur face à Val-d'Urance, à 43 points, et on retrouve nos amis pernois, dont, non, ils évoluent dans la poule B, pardon, c'était la poule A, la poule B, revenons avec le Ponté, qui est 3e, 4e dans cette poule, et nos amis de Courthézon, en division d'honneur régionale, pardon, on ne jouait pas non plus, parce que c'était des matchs de rattrapage, on jouait en coupe, et ils sont 7e avec 31 points, eux aussi. Il y avait des matchs de rattrapage en PHA. Regardons que Lille-sur-Saône s'est déplacé du côté de Perne 2, 4-4. Match nul, et Mayenne est toujours leader dans cette poule. Et il y avait aussi Carpentras qui jouait en poule B en PHP. Eux, ils ont perdu du côté de Violence 3-0, tandis que Malocène recevait Luberon, et ils ont gagné 2-1, et Villeneuve recevait Aiguerre. Ils ont perdu sur leur terrain 2-1. Orange est toujours leader dans cette poule avec pratiquement 10 points d'avance sur Château-Renard, qui est seconde à la poule B de PHB. On retrouvera le football plus en détail avec GFoot 84 la semaine prochaine. Et on espère que M. Henri, comme on le surnomme, sera parmi nous. La suite. Top chrono, athlétisme. Alors là, c'est mieux parce qu'on est avec un spécialiste de l'athlétisme. Il était derrière son ordinateur en train de voir ce qui se passait. Où il était sur le terrain, mon cher? Hier, j'étais sur le terrain. Là, j'étais avec des responsables techniques. À la fois, c'était des officiels, juges régionaux pour la mise au point du Tour des Remparts. Donc maintenant, le Tour des Remparts, ce n'est plus 11 km, ça va être 10 km avec un label régional. Donc voilà, c'était sympa, et quelques petits problèmes qu'on a essayé de mettre en place et de les résoudre surtout. Donc l'autre fois je ne l'avais pas annoncé, mais c'est vrai qu'au niveau du comité de Vaucluse et au niveau des athlètes pour les championnats de France qui ont lieu à Saint-Galmier là, le 26 février, c'est une composition de 28 représentants du Vaucluse pour ces France. Ouais. Et pour toi, les athlètes vauclusiens aux interrégions, t'ont donné satisfaction pour certains. Figurer au championnat de France. Certains. Après, bon, c'est vrai que le championnat de France, c'est un gros label pour tenter une qualification au niveau du championnat du monde de cross. Bon, je ne vois pas de Vauclusien se qualifier. Mais même pas Serghini. Serghini, il a un atout à jouer. Hein. De toute façon, comme je te l'ai dit, un jour ou l'autre, il va venir dans nos locaux et on pourra discuter avec lui. Ah ouais, c'est un garçon très charmant et c'est vrai qu'il oublie son dossard, mais aussi, à part ça, il n'y a rien de grave. Moi, j'ai discuté, alors, taquine un petit peu si ce soir il nous écoute. Sache que c'est plutôt taquin, c'est juste pour plaisanter. C'est pas du tout pour mettre la qualité de la valeur de l'athlète. Oui, tout à fait. Hein. Après, c'est vrai que la manière dont ça s'est passé, c'est un peu burlesque. Après, j'ai discuté avec lui. J'ai dit, toi, à ton niveau, comment ça s'est fait que tu oublies de battre ton dessin au moment du départ? Et bon, je ne dirais pas, hein, il vous le dira comment ça s'est passé. Raconte-nous. Raconte-nous. Didier, qu'est-ce qu'il y a? Je te tire sur ma barbichette. Didier, il n'y a pas de course ce week-end? Non, pas du tout. C'est marrant. On est toujours en train de se battre avec 4 ou 5 courses d'affilée. Voilà, puis là, c'est un week-end un peu creux. Et donc, voilà, c'est un peu le calendrier de Vaucluse qui le veut, et c'est ainsi, tu sais très bien mes pensées à ce niveau-là. Est-ce que nous aurons Yémoni dans nos studios pour parler, certes. Oui, de certaines choses. Oui, mais parlerons. Tu veux dire à l'athlète ou la... Il y a plein de choses que j'ai su hier, puisque j'étais quand même, on va rentrer un peu dans le fond des choses, hein. J'étais avec Ahmed Kertov, qui est devenu directeur technique du CSMA. C'est lui qui a remis tout au point et qui a fait au niveau du plan de ce tour des remparts qui avant était à 11 km. Maintenant, il a été étalonné hier sur un 10 km avec un label régional. Donc ça sera un 10 km de plus au niveau du Vaucluse qui sera qualificatif pour le championnat de France. Qui aura lieu, je crois bien, le championnat de France, ça sera fin septembre. Mais sur ce tour des remparts, on ne peut pas dire que c'est un parcours qui va être aussi rapide que le 10 km d'Avignon qui a lieu au mois de septembre. Vu par où il passe, ça va plutôt... C'est le tour des remparts. C'est un phénomène qui est sympathique. On sera encore pénalisé parce qu'il y a encore le championnat de France et certains athlètes qui ne viendront pas s'exercer au tour des remparts. Alors, pour ce tour des remparts, mais ce que j'ai su, c'est fin octobre. Le championnat de France du 10 km a lieu fin octobre au moment du marathon des Côtes-du-Rhône. Tu sais qu'il y a le marathon des Côtes-du-Rhône, ça sera sa deuxième édition. Et ça tombe en même temps que le championnat de France de 10 km qui aura lieu à côté d'Aubagne. La seule chose qui me ravit, c'est que toutes les fédérations sont un petit peu les mêmes, quoi. C'est toujours pareil. On fait deux courses, on fait deux belles courses le même jour, c'est pas mal. Non, on va avec le BMX tout à l'heure, on va se régaler avec Laurent Vanditelli parce que les choses sont un petit peu différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du comité de Vaucluse et puis de l'organisation, au niveau du Vaucluse, le CSMA a remis son marathon des Côtes-du-Rhône à la même date que l'année dernière. Donc, c'est-à-dire troisième ou quatrième semaine d'octobre. C'était le 10 km qu'il fallait qu'il change, qu'il fallait qu'il bouge. Non. Et cette année, la Fédération française d'athlétisme a mis le championnat de France, la finale des championnats de France de 10 km sur route, en octobre. En octobre, et ça tombe en même temps que la date du marathon des Côtes-du-Rhône. Mais il y a aussi d'autres compétitions qui ont lieu sur toute la France qui sont à cette même date. Après, bon, c'est comme ça, c'est un effet hasardeux et ça tombe comme ça. D'habitude, avant, les championnats de France de 10 km sur route avaient lieu soit fin juin, soit en septembre. Là, ils l'ont mis en octobre, c'est parce que je pense que c'est au niveau du calendrier national et international que cette date a été donnée. Hein. Merci Didier, reste avec nous parce qu'on va vite passer à Horizon, le magazine, avec Marie qui nous a concocté quelques sorties. Mais c'est vrai qu'on est en hiver, il fait encore froid et on se languit que le mois de mars arrive, Marie. Il était un petit peu maigre, effectivement, ce mois de février, mais j'ai des petites choses. Par exemple, si vous voulez courir un petit peu, le 19 février, vous aurez le cross du lac d'Atuèche à Anduze, en bordure du Gardon, avec un 800 mètres et un 8250 mètres. Ou alors hein, ouais, un 800 mètres c'est pour les enfants certainement. Oui, ça doit être pour les enfants. Ah oui oui, bien sûr. Ou pour moi. Et ils pensent aux enfants hein, aussi. Sinon il y aura ou alors pour Jean-Yves. Si Didier Bougon participe, il faut y attacher une jambe. Ou alors vous aurez également, qui est pas très loin d'ici aussi, l'Urban Trail de Nîmes. Ça sera sa seconde édition avec une visite insolite de Nîmes en courant. Il y aura un 10 km, un 18 km ou un 27 km pour Jean-Yves. Non, mais par contre, l'Urban Trail de Nîmes, c'est une superbe course, oui, paraît-il. Oui, oui, oui. Rappelons juste la date. 19 février. Oui, c'est dimanche. Eh oui, c'est dimanche. Voilà. Monique, tu l'as fait. Tu nous en diras un petit peu plus. Sinon, si vous préférez faire du VTT, eh bien, dimanche 19, je vous propose également une randonnée VTT du Petit Luberon à Mérindol, avec quatre parcours entre Mérindol et la Combe de Bourmarin. Un parcours de 20 km avec un dénivelé positif cumulé de 500 mètres, pistes et sentiers forestiers de difficulté moyenne, puis trois parcours de 30, 48 et 53 km avec un dénivelé positif cumulé de 1050 mètres, 1600 mètres et 1830 mètres, c'est pour les beaucoup plus confirmés. Avec des boucles complémentaires comportant beaucoup de sentiers et très peu de pistes de liaison, des parcours variés et accidentés, très exigeants physiquement et techniquement pour VTTistes entraînés et confirmés. Ou sinon, si vous préférez, cette année à Mérindol, toujours, nous aurons cette année les Drails Mérindolaises, deux parcours de course à pied avec une allure libre dissociée des parcours VTT, un 10 km familial, rando pédestre, ou alors un 29 km sportif trail. Inscription sur place le jour de la randonnée. Et si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur le www.cycloclubmerindol.fr. Ensuite, je vais aller, puisque lundi prochain, je ne serai pas là, donc je vais vous proposer des choses qui auront lieu le 26 février, donc ce sera dans 15 jours, avec la 112e, le 112e Critérium des Calanques, un moment convivial de randonnée pour tous, avec 5 parcours de 8 km à 38 km, et c'est ouvert à tous. Ou alors une course pédestre à Ménherbe, toujours le 26 février, dans le Vaucluse, à Ménherbe, en souvenir de Pierre Gourmelin. Avec trois parcours, un 15 km sur route, un 8 km et une course pour les jeunes de 2 km. Et je vais en finir avec samedi 25 février, vous aurez la rando bistro à Crillon-le-Brave à la découverte du diamant noir. Voilà. Si vous préférez manger. Alors c'est, alors au début tout se passe bien, puis par la fin il y a moins de. On va dire qu'il y a moins d'esprit. Voilà. Ben écoutez. C'est Focus ce soir, nous allons parler BMX, on est très heureux d'avoir l'un des grands animateurs de ce sport mondialement connu puisqu'il est aux Jeux Olympiques, c'est le BMX en Vaucluse. Il est très imprégné par le trophée d'automne et surtout ce club de Pernes-les-Fontaines qui transpire par sa qualité. Est avec nous Laurent Vanditelli. Bonsoir encore une fois Laurent. Ben bonsoir à tous et merci à Fly FM d'être toujours ouvert à ce qu'on puisse parler du. Alors avec toi, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'éloigner, on peut même traverser les continents et se retrouver aux Jeux Olympiques. Donne-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Parce qu'on était, moi aussi, j'étais un spectateur très déjà aguerri à ce sport, à, on va dire, en tant que téléspectateur, oui. Et je m'attendais à voir des breloques, comme certains appellent, ou des belles médailles autour de nos Français. Malheureusement, on n'est pas revenu bredouille, mais ça a été moins que ce qu'on espérait. Ah bah, ça a été un échec total. Donc, pour l'équipe de France, hein, on va pas évidemment tirer à boulet rouge sur les pilotes parce qu'ils ont tout donné. Mais il y a eu une succession de malchance. Ouais, c'est ça qu'on dit dans le sport. Ouais, je pense que voilà, il y a des fois ça fait pas, mais là ça a pas fait du tout. On a la chance d'avoir Manon Valentino, finaliste des Jeux Olympiques, qui intervient à l'encadrement du BMX Pernois depuis le début du mois de janvier, qui a pu nous en dire un petit peu plus parce que vous savez que l'Olympisme et le BMX Pernois, c'est un lien très fort. Oui, c'est toi. Et puis, c'est une belle vitrine pour le sport. Et ça donne, on va dire, quand il y a des médailles, ça donne de l'ampleur au niveau des inscriptions. Pas tout le temps, mais effectivement, ça peut aider. Manon nous a expliqué qu'effectivement, pour la course des garçons, il y avait énormément de vent. Beaucoup de pilotes n'étaient pas à l'aise, même pas que les Français, hein, d'autres nations. Alors, on dit que les Français n'ont pas trop réussi. Alors, cette fois-ci, ça a souri aux Américains, puisque Connor Fields, et je reviens là-dessus quand je dis que l'Olympisme a un rapport très étroit avec Pernes, c'est qu'il y a un an, le champion olympique de Rio, Connor Fields, était à Pernes, hein, pendant 2 mois, il s'est entraîné au club. Les Américains, ça a bien marché pour eux à Rio, et ça n'avait pas du tout marché à Londres. Ça n'a pas marché pour les Lettons, alors qu'ils avaient le double champion olympique. Les Français, Joris sort de sa première manche qualificative, la deuxième même, que dis-je. Et il se retrouve face au vent, tout seul, obligé de se déporter et se fait percuter par un pilote qui venait à l'arrière. Donc il tombe, il se blesse, il s'arrête. Amidoumir qui se retrouve dans le premier virage avec des pilotes qui tombent devant lui, obligé de sortir de la piste, il s'entaille à l'intérieur de la cuisse. Et Jérémy Rancurel qui faisait ses premières Olympiades et n'a pas pu faire mieux que les manches qualifs. Voilà, une petite pensée pour notre Vauclusien, hein, Sylvain André, qui était remplaçant pour la deuxième fois après les JO de Londres. Une énorme déception pour le BMX Vauclusien, parce qu'on comptait vraiment sur la présence de Sylvain au JO. C'est vrai. Voilà, donc alors, du côté de Cavaillon, évidemment, on a été très déçus, mais le Vaucluse dans son ensemble. Ouais, parce que c'est vrai, Sylvain André, moi aussi, je comptais le voir, et malheureusement, mais... Il était remplaçant. Comment ça fonctionne, là, sur une feuille de... Parce qu'il y a... Pour les sélections ? Oui, parce qu'il y en a un qui est tombé, il y en a un qui s'est blessé, il y en a plusieurs qui sont blessés. Est-ce que lui aurait pas pu prendre le relais derrière ? Ah non, c'est pas du tout ça. C'est jusqu'au moment de la course, il y a possibilité de compter sur le remplaçant. Enfin, c'est jusqu'à un ou deux jours avant la course. D'accord. Et il n'y a pas eu... Pour la suite de la compétition, c'est pas possible. Voilà, non. Après, une fois, s'il y avait eu un blessé la veille, Sylvain n'aurait même pas pu participer. C'est deux jours avant la course. Voilà, en gros, c'est ça. Et Manon Valentino a fait la finale. Elle chute en finale. Elle finit huitième. Et elle dit qu'elle n'a pas eu... elle me l'a expliqué l'autre jour, alors qu'on était ensemble. Elle me dit, voilà, je suis arrivé devant la bosse et j'étais pas très bien sur mes pédales. J'avais pas le bon coup de pédale suffisant et j'ai quand même sauté et voilà, je pensais que ça allait passer, elle est passée par devant. Elle fait quand même 8e au JO, donc c'est bien pour elle aussi. Mais quand on est au JO et qu'on est en finale, on n'a pas envie d'être 8e, ni 7e, ni 6e, on veut être 1 ou 2 ou 3. Donc bon, voilà. L'équipe de France est rentrée bredouille. C'est comme ouais, ça. C'est bien. Pas les seuls, les Anglais aussi. Hein. Oui, non, mais c'était quand même très important de t'avoir ce soir. C'est vrai que je voulais te la poser cette question parce que on s'était vu juste avant les JO, et puisque tu viens chaque année, tu viens nous rendre visite, et ça nous fait très plaisir. Et avec toi, c'est vrai qu'on éclaire ce sport parce que on sent que tu le vis quoi à fond quoi. Comment va le club de Perne et comment va le BMX en Vaucluse? Alors, je vais prendre d'abord ma casquette d'entraîneur du BMX pernois, donc ça se passe toujours très bien. On a une équipe de pilotes qui font les Coupes de France et les indoors, donc les courses en salle. On était à l'indoor de Tours récemment, il y a eu une victoire de Tessa Martinez en cadette. Il y a eu la première finale chez les élites, parce que ça y est, elle a fini de passer les catégories challenge amateur, on va dire. Mathilde Bernard fait son entrée en junior. Donc quand on parle de l'olympisme, on pense aussi à Perne au futur, donc avec Mathilde, qui a fait sa première finale parmi les juniors filles élites dames, parce qu'elles sont mélangées en France. Donc première course, première finale, c'est très bien pour elle. C'était quasiment prédestiné. On a toujours à peu près 200 à 220 licenciés au club. Donc une équipe de bénévoles toujours très investie, avec toujours les petits soucis du quotidien, parce qu'être bénévole, c'est difficile. Des gens qui parfois ne comprennent pas forcément les difficultés des bénévoles. Mais ça, c'est la vie de tous les clubs et de tous les sports. Mais ça se passe quand même relativement bien. On est bien aidé encore une fois par la municipalité. Donc on a alors c'est tout bête, hein, on a bénéficié d'une dalle en béton pour des gens, ça veut dire ouais, c'est super, on est content. Ils ont une dalle en béton, mais qui devrait recevoir notre future buvette et qui va nous permettre d'accueillir encore plus d'événements, de promouvoir encore plus la discipline BMX, qu'on a encore assuré ce week-end, puisqu'on était sur les pourtours d'Auchan-le-Pontet. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Si, je sais. Je vais dire Super U et Intermarché pour faire les trois, parce que c'est comme ça, je crois, dans les médias. Mais on était à Auchan, on les remercie de nous avoir reçus pour faire les initiations gratuites. On va en refaire, donc ceux qui nous entendent, prenez date, 19 et 20 mai, début juillet, au mois de septembre, on va aller encore à Auchan, on va assurer la promotion du BMX pernois, et au-delà de tout ça, du BMX. Sinon, on a créé la section draisienne, donc c'est les petits vélos sans pédale et sans pédalier, qui sont accessibles aux 2 ans, 4 ans. On a créé la section dirt, c'est une section avec des champs de bosse en terre, réalisée de main de maître par Benjamin Barallier, spécialiste du dirt, qui est arrivé au club il y a un an et demi, qui a bossé comme un fada, comme on dit, c'est comme ça. Alors, où c'est ces pistes, parce que bon, moi je fais C'est tout au même endroit, c'est tout au même endroit, c'est le BMX pernois, route de Saint-Didier-Mazan, à la sortie de Perne, on est là-bas. On est installé sur les bords de la rivière Lanesque, au milieu des arbres. La piste est homologuée On vient de refaire deux lignes droites. Elle a été homologuée par Romain Melin, qui est le référent. On peut avoir des compétitions internationales sur la piste de Perne ou pas? On a postulé pour des championnats. Non, c'est pour ça, parce que je connais ton engouement et ton envie d'avancer. C'est pour celui ça que je te pose cette question. Celui du président et de l'équipe aussi, il n'y a pas que le mien. Bien sûr. On a postulé pour les championnats de France 2018 et championnats de France 2019. Voilà, tout simplement, on le dit officiellement maintenant, parce que c'est pas non plus un secret d'État, faut pas faire de toutes petites choses, faut pas en faire non plus des choses archi exceptionnelles. On est un club dynamique, comme on entend beaucoup parler de Sarrien en ce moment, qui va accueillir une Coupe de France. On parlait beaucoup dans le passé, et on en parle encore, de Cavaillon, qui a organisé des championnats de France. Le Vaucluse reste dynamique à ce niveau-là, et Perne n'échappe pas à la règle. avec bah là on devrait avoir les réponses prochainement si on accueille les deux championnats de France. Le trophée d'automne s'est bien passé. Un trophée d'automne s'est bien passé, voilà, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Ah, c'est pour ça qu'on parle un petit peu de trophée d'automne, parce que c'est, aujourd'hui, ben, c'est un petit peu une belle vitrine, parce que mes confrères de la presse, puisque Jean-Yves fait partie de ces jeux du Dauphiné libéré, ont laissé une belle place, une belle page au BMX. Alors le trophée d'automne, ce sont des courses de promotion avant tout, donc c'est des courses pour tous les niveaux, des débutants aux professionnels qui peuvent venir. Il y a en général, il y a en général 6 épreuves. D'ailleurs, en ce moment même, là, au moment où on vous parle, BMX Organisation, qui chapeaute le trophée d'automne, est en train de faire son assemblée générale, à laquelle je vais me rendre dans un quart d'heure. Ça se passe bien, le trophée d'automne, c'est un bon support de communication. On est un petit peu déçus dans le fond, parce qu'on a perdu un peu des licenciés en BMX vauclusien. On attendait plus de répercussions des Jeux Olympiques. Au final, on n'en a pas tant que ça. C'est pour ça tout à l'heure que je suis revenu un petit peu dans ces épreuves internationales, parce que bon, le Vaucluse aujourd'hui est une épreuve internationale, hein, le motocross on n'en parle pratiquement plus, trial se faisait à Carpentras, je ne sais pas si ça va être reconduit, et peut-être que le BMX, si on a une belle piste comme à Perne, on peut peut-être envisager d'avoir un petit peu des stars qui te redonneraient un petit peu un deuxième souffle. Non? Alors, on a parlé de Sarian, il faut quand même que j'en parle, parce que je suis aussi responsable du comité Vaucluse. Oui, parce que Sarian, ça monte aussi. Sarian, c'est peut-être aussi une suite logique de 20 ans d'investissement des bénévoles, des pilotes, et de toutes les équipes qui se sont succédées. Actuellement, il y a une équipe dynamique, ils organisent une Coupe de France au mois de mars. Ils devraient, ils accueilleront le championnat d'Europe en juillet 2018, je sais que le président a postulé pour une Coupe du Monde en 2019. Donc entre Perne qui fait ses championnats de France, Sarian qui va normalement accueillir le championnat d'Europe et peut-être une Coupe du Monde, bon, ça fait autant d'événements en Vaucluse autour du BMX, et j'en ai un à annoncer dans quelques instants. Vas-y, mais alors écoute, on va juste s'arrêter là. Comment on arrive un petit peu à avoir une piste qui peut, parce que quand même il doit y avoir quand même un cahier de charge assez important quand tu parles de Coupe du Monde, pour faire venir des pilotes, pour à la fois la sécurité et à la fois l'attractivité, où les pistes sont pratiquement toujours les mêmes. Alors, il y a un tracé bien spécifique fait par des gens que peut-être comme toi. Non, pas moi, parce que moi je faisais autrefois un petit peu les pistes et tout ça, puis j'ai arrêté parce qu'il faut laisser aussi les gens plus calés faire leur boulot. Moi je préfère faire d'autres choses, par exemple l'animation micro, c'est plus mon dada. Entraîner, c'est mon truc. Faire des piges, je l'ai fait comme ça parce que avant on s'investissait beaucoup. Aujourd'hui le président me dit, écoute Laurent, on fait l'administratif, fait l'encadrement, on fait ça, on va appeler des professionnels qui se sont spécialisés, des gens se sont spécialisés là-dedans. Et après c'est validé par la Fédération Internationale, comment ça fonctionne? Là pour la Coupe du Monde, suite aux Jeux Olympiques qui ont révélé un petit malaise, je dis bien un petit, c'est-à-dire que cette butte de départ à 8 mètres, le vent de face en deuxième ligne, ça a posé des questions. On a quand même des membres de la Fédé qui ont demandé à stopper ce type de piste olympique, alors que les pilotes sont très contents de ce qui se passe. Donc Manon Valentino disait qu'elle ne comprenait pas la position de la fédération. Encore une fois, la différence de pensée entre les athlètes et leur fédération, mais ça c'est partout. On dit souvent, on protège, c'est pour la protection des pilotes ou pour l'intégrité des pilotes. Les pilotes sont contents des formats olympiques avec les buts à 8 mètres. D'ailleurs, c'est très spectaculaire, c'est très agréable. Nous, on va à Aix-en-Provence samedi après-midi avec l'équipe pernoise, parce qu'il y a une butte à 8 mètres, il y avait le pôle national là-bas avant. Et pour obtenir ces qualifications, d'après ce que je sais, parce moi je reçois très peu d'informations du club de Sarian, je suis obligé de me rendre sur internet, ou quand je tombe sur des informations c'est comme ça, mais je ne suis pas du tout consulté ou quoi que ce soit par le club de Sarian entre autres, malgré que je sois responsable du comité Vaucluse, mais je sais qu'ils ont normalement un projet de refaire leur piste entièrement pour la mettre aux normes des Coupes du Monde, format Coupe du Monde, et logiquement, si tout se passe bien, on devrait ne plus être obligé d'avoir une butte de départ à 8 mètres mais à 5 mètres. Voilà, qui est ça, qui est un format aussi pour les challenges européens. Donc le club de Sarian, comme le club des Angles, Avignon, qui devrait disposer d'une butte à 5 mètres d'ici dans l'année ou 2018. Donc on aurait deux pistes en Vaucluse qui disposeraient ce type d'infrastructure pour organiser des Coupes du Monde par rapport à la butte de départ. J'arrive à une question peut-être. Non, juste avant la pub. Je voulais simplement rebondir sur ce que disait Laurent il y a deux minutes, entre l'inadéquation entre ce que veulent les athlètes et ce que croient savoir les gens qui dirigent les fédés. C'est toujours le même problème, quel que soit le sport, et Il me semble qu'on en a déjà parlé plein de fois, mais entre les athlètes sont rarement consultés, malheureusement, pour les décisions importantes, ou même moins importantes d'ailleurs. On passe à la pub et on revient. Allez, ce soir, on reçoit le club de BMX de Pernes-les-Fontaines. Mais dans le club de BMX de Pernes-les-Fontaines, une nouvelle section s'est créée, le fameux vélo loisir. Est-ce que là, cette fois-ci, on rentre pas un petit peu dans le cyclisme? Ma question est peut-être un petit peu assidue. Le loisir a toujours existé en BMX. Hein. Le loisir, c'est quoi? C'est je viens, je fais du BMX, je m'amuse. Et je ne fais pas des balades quand même. Non, je reste sur la piste et les infrastructures, par exemple au BMX Pernois, comme dans tous les clubs du Vaucluse d'ailleurs hein, et de France. Quand on dit loisir, c'est ceux qui ne font pas de compète. Donc comme il y a, selon les clubs, entre 30 et 50% des gens qui en font pas, enfin qui font de la compète, tout le reste, tous les autres pilotes, tous les autres licenciés sont en loisir, par définition. Donc c'est pas nouveau. Hein. Non, ce qu'on a créé, c'est la section draisienne avec les vélos sans pédale, c'est le mercredi après-midi, de 15h à 16h, parce que la fédération a mis en place une nouvelle licence qui s'appelle. Alors comment la on fait là pour le. On s'élance, on se retrouve dans les années, excusez-moi messieurs, c'était au début du siècle, c'est que les gens posaient les pieds pour avancer. Il n'y avait pas de pédale. Non, est-ce que c'est ça C'est au-delà, à partir des années du 1854. C'est tout, Laurent. C'est non, la création du vélo avec la première draisienne. Hein. C'est un baron allemand qui a créé ça. C'était très grand. Maintenant, c'est pour les petits. C'est un petit format. On trouve ça même dans tous les magasins. Non, mais les gamins, maintenant, utilisent ça pour apprendre à faire du vélo et ça les fait progresser beaucoup plus vite. D'ailleurs, ça fait progresser plus vite, oui. Bah, mon fils qui est avec nous ce soir. Comment il s'appelle? Manéo. Manéo, tu as essayé un petit peu ce vélo de racing? Mais au début, oui. Au début, oui. Ouais, parce que tu as tout essayé, toi, avec papa, oui, tu es obligé de. C'est obligatoire. Non, alors, oui, j'ai commencé la draisienne et c'est vrai que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup dans l'apprentissage du vélo. Voilà. Ah ouais, il est speaker lui aussi. Ah mais tu vois, ouais, c'est bien pour ça quoi. Ouais. Il parle très bien et tiens, on rebondit sur ce qu'il vient de dire. Hein. Alors je rebondis, donc bon, je reste pour terminer la parenthèse sur le BMX Pernois, donc la section draisienne, la section dirt, qui est réservée un petit peu plus à ceux qui savent sauter, qui a le côté un peu freestyle du BMX. Donc on a des cours le samedi après-midi avec Benjamin. Donc ça, on a ouvert cette section-là cette année, la section draisienne cette année. On a beaucoup de petites bricoles comme ça. On fait des anniversaires aussi au BMX Pernois, comme à Royal Kids ou d'autres centres ou des restaurations rapides. Et on fait des pistes libres. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on peut faire des pistes libres et on peut accueillir des personnes non licenciées. Il suffit qu'elles viennent s'inscrire. On a une assurance spéciale. Les pistes libres, par exemple, vous payez 4 euros comme vous allez à la piscine. On vous met à disposition un vélo, un casque et vous pouvez faire du BMX le samedi après-midi, encadré et surveillé par un éducateur professionnel. Mais voilà, ça c'est beau. Tout simplement. Non, ça c'est vraiment chouette. Et hein. C'est pour ça aussi que j'ai un peu demandé aux médias, hein, radio, et d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens, on était à Auchan, ils nous disaient, mais ah bon, mais vous êtes sûr, faut pas être licencié. J'ai dit, mais je vous assure, on est une assurance spéciale. Vous savez quoi? Vous faites très simple. Vous venez, vous prenez un vélo. Il peut y avoir papy, mamie, tonton, tata, tous les membres de votre famille. On a des vélos, on vous les met à disposition, mais des casques, on se protège. Et puis vous pouvez découvrir le BMX. Et voilà. Et puis ça s'arrête là. Gloire à vous d'avoir des idées comme ça parce que les. Ben quand tu vois le chantier que c'est pour simplement faire jouer des mecs à toucher au rugby où on te demande 45 000 documents juste pour une soirée. Ouais. Donc gloire aux gens qui réfléchissent un peu comme au BMX et qui arrivent à trouver ce genre de solution et. Sans avoir à passer par le machin, le comité, le truc, ça se fait en 2 minutes, ça simplifie tout et ça fait venir des gens sur les pistes, sur les terrains. C'est une belle initiative. Si on veut démocratiser notre sport, il faut qu'on fonctionne de façon très simple. Alors on prend la tête un peu aux minots pour les compètes, parce que bah, c'est la compète, ils ont choisi de s'investir dans la compète, donc on a un discours adapté. Par contre, si quelqu'un veut venir sans avoir un entraîneur qui lui dit fais ci, fais ça, il veut juste venir, il se licencie pas, il vient, bah, il a 3 heures samedi après-midi pour s'amuser. Voilà le BMX Pernois aujourd'hui et j'invite les autres clubs vauclusiens à continuer aussi. Nolan, tu es d'accord avec ce qu'il dit papa? Manéo. Oui, je suis d'accord. Ouais, moi, je sais que c'est des noms qu'on. Comme c'est plus facile pour moi de dire. On a une annonce à faire. Oui. Bon, vas-y. La piste libre, c'est vrai que c'est quelque chose de très bien. Par exemple, si des personnes ne viennent pas à l'entraînement, ne peuvent pas venir aux horaires, ça permet de leur faire du vélo, même sans entraînement, quand ils peuvent. Ce soir, tu étais venu pour faire passer ce message. Oui. Et toi, la compétition, comment ça se passe? Ben, la compétition, j'ai repris il n'y a pas longtemps. J'ai fait deux courses là depuis le début de l'année. Mais ça va. Dans le monde du BMX, entre papa et toi, tout se passe bien ? Très bien, très bien. Il n'y a pas de discussion, ils disent tiens, tu aurais pu mettre un petit peu plus d'accélération de ce virage. Dans sauter. Les courses, bien sûr, pour un peu me perfectionner et faire de meilleures places, mais meilleurs résultats. Mais sinon... La camaraderie existe dans le BMX ? Entre copains, vous vous encouragez ou... Ben oui, bien sûr, quand on roule pas, que c'est la race de notre ami, ben bien sûr qu'on va l'encourager. Par contre, quand c'est dans les courses, là, c'est chacun pour soi, c'est... C'est cool. Il est très, très pragmatique, c'est bien. Ce... Ouais, il répète. Tant mieux s'il apprend. J'aurais souhaité également aborder un sujet, Fred. Vas-y. Il reste on reste minutes. Encore 4 minutes, vas-y. C'est bon. Vas-y, feu. Alors, j'ai eu un matin une sorte de petit un réveil avec une petite lumière qui m'a dit « Allez, lance-toi ». Depuis très longtemps, dans le Vaucluse, il y a des gens qui veulent faire un indoor de BMX en Avignon, au parc des expositions. Donc je ne suis pas à l'origine de l'idée. Hein. Attention, ça, c'est beau. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le président du BMX Arnois m'a mis la main sur l'épaule il y a quelques années en me disant « Tiens, ça t'intéresserait qu'on le fasse à Avignon ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci et tout. » Donc ça fait 3-4 ans qu'on est sur l'idée d'une course de BMX au parc des expos Avignon. Et bon, après, bah, le président, lui, il a un métier, il a une famille, il a un club avec 3 salariés, le BMX Pernois. Et c'est pas qu'il s'est retiré, mais il m'a dit « Écoute, là, ça va être dur pour moi, et en plus, on veut organiser le championnat de France. » Je dis « Écoute, si tu suis pas, moi, je vais laisser tomber, quoi. Enfin, il n'y a pas de raison, je sois tout seul. » Et puis, il y a un an, j'ai dit « Bah, allez, et pourquoi pas, finalement ? Pourquoi pas se lancer ?» Donc, j'ai pris rendez-vous avec Madame L, maire d'Avignon, avec monsieur, l'ancien adjoint des sports, monsieur Mounir Yemouni, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, et le président, enfin, le maire de Montfavet, qui est où se trouve le parc des expos. Donc, je vous l'annonce officiellement. On est parti. Alors, je dis pas que ça va se faire, parce qu'il y a encore des montagnes à franchir, mais on est parti pour plus qu'un indoor d'Avignon. On est parti pour un événement qui s'appellera Avignon Vélo Passion. Donc, c'est très simple. C'est Cheval Passion version vélo. Donc je vous fais le résumé très rapidement. Un indoor au Hall A, un indoor de BMX, des épreuves cyclistes, donc VTT, trial, route, enfin tout ce qui concerne le vélo, un salon, des expositions, des démonstrations, des shows, des spectacles, et voilà, et je tiens à remercier ceux qui nous font confiance. Donc il y a Georges Garcia, président du comité départemental, qui s'est mis dedans. Évidemment, avec le comité, on va se lancer là-dedans. Enfin, ça a déjà commencé, hein. Ça fait un an qu'on y travaille. Donc je vous l'annonce, on devrait, alors je dis on devrait parce que pour l'instant, j'ai encore rien vu, hein. J'ai pas vu la piste, j'ai pas vu l'ouverture, j'ai pas entendu le speaker dire « Bonjour, bienvenue à Avignon Vélo Passion ». Non, mais c'est déjà... Mais je tiens à vous dire qu'il y a ce projet sur le Vaucluse en ce moment, et j'en parle maintenant parce que c'est prévu fin janvier 2018, c'est dans moins d'un an. Et ce sera un événement fabuleux pour le vélo. Voilà. Pour l'ensemble de tous les sports et cyclistes. J'invite, et ça on est très attachés. Alors au début c'était parti que pour un indoor. Finalement c'est toutes les disciplines du vélo. Donc deux choses par rapport à ça, je fais vite. Un, cet événement n'est pas là pour contrer d'autres événements. On dit bien que c'est dans la continuité des autres, parce qu'on a déjà entendu des mots dire « Ouais, vous faites ça, c'est pour aller contrer d'autres événements ». Non, bien au contraire, c'est pour accompagner d'autres événements, et ces autres événements qui existent en Vaucluse seront aussi pour nous des accompagnements. Ça, c'est la première chose, et on souhaite vraiment réunir toute la famille du vélo dans son ensemble, le handisport, les féminines, bref, tout ce qui existe en matière de vélo. Il fallait rajouter quelque chose ? Juste pour finir sur la page BMX, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu penses que Avignon Vélo Passion va réussir ou que tu as les cartes en main ? Je suis complètement conquis et j'adhère totalement à ça parce que le Vaucluse est une terre de vélo et il y a longtemps qu'on n'a plus de grandes épreuves. Et heureusement que le BMX est là pour nous faire vibrer, parce que le vélo sur route, il y a un moment que, à part le Tour de France, c'est presque terminé pour le Vaucluse. Je tiens à te dire que vous êtes le premier média qui en annonce. Voilà. Super, super. Juste pour dire que je suis à fond aussi dans le projet. On aura peut-être une place au guichet numéro 4. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Vive le sport. Bye bye, à très bientôt. Merci. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Béduci, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.beduci.fr.